prière pour lui. Dieu, créez à sa vie un objet plein de charme, une voix qui réponde au secret de sa voix. Donnez-lui du bonheur, Dieu. Donnez-lui des larmes. Du bonheur de le voir, j'ai pleuré tant de fois. J'ai pleuré, mais ma voix se tait devant la sienne. Mais tout ce qu'il m'apprend, lui seul l'ignorera. Il ne dira jamais « Soyons heureux, sois mienne ». L'aimera-t-elle assez celle qui l'entendra? Celle à qui sa présence y rapportait la vie, qui sentira son cœur l'atteindre et la chercher, qui ne fuira jamais, bien qu'à jamais suivi, et dont l'ombre à la sienne osera s'attacher. Ils ne feront qu'un seul, et ces ombres heureuses, dans les clartés du soir, se confondront toujours. Ils ne sentiront pas d'entraves douloureuses, désenchanter leur nuit, désenchanter leur jour. Qu'ils la trouvent demain, qu'ils m'oublient et l'adorent. Demain, à mon courage, il reste peu d'instants. Pour une autre aujourd'hui, je peux prier encore. Mais Dieu, vous savez tout. Vous savez s'il est temps.